rappelle. On se souviendra que l'île de Lesbos, où vécut au VIe siècle avant notre ère la poétesse grecque Sappho, est devenue synonyme d'homosexualité féminine.